15 avril. C'est le printemps le plus délicieux que l'on ait jamais vu de mémoire d'homme. Il est si vert, si doux, si beau. Ah, quel contraste entre cette radieuse nature et mon âme si déchirée. Il ne m'est rien arrivé aujourd'hui, mais je sais que je suis sur le bord d'un abîme. Je le sais, et cependant, je continue à vivre selon ma routine journalière. Le seul point brillant dans mon horizon noir, c'est qu'Agatha est heureuse, bien portante et à l'abri de tout danger. Si cette créature nous tenait tous les deux, que ne pourrait-elle faire ? 16 avril. Cette femme déploie une grande ingéniosité dans sa manière de me tourmenter. Elle sait combien j'aime mon travail et à quel point mon cours est apprécié. Aussi est-ce de ce côté-là qu'elle s'attaque à moi maintenant. Cela finira, je le vois bien, par me faire perdre ma place de professeur, mais je n'en combattrai pas moins jusqu'au bout. Si elle réussit à m'en déloger, ce ne sera pas faute que je m'y sois cramponné. Je n'avais remarqué aucun changement en moi ce matin pendant mon cours, sauf pendant une minute ou deux, durant lesquelles j'ai éprouvé une sorte d'étourdissement ou de vertige, qui a passé presque tout de suite. Au contraire, je me félicitais d'avoir réussi à traiter mon sujet, les fonctions des globules rouges, d'une façon aussi claire qu'intéressante. Ce ne fut donc pas sans surprise que je vis un étudiant entrer dans mon laboratoire aussitôt après le cours et m'exposer la perplexité où le mettait la contradiction que présentaient mes explications avec celles de mon livre. Il me montra les notes qu'il avait prises et qui indiquaient que, pendant une partie de mon cours, j'avais soutenu les hérésies les plus fantaisistes. Naturellement, je me suis défendu d'avoir jamais prononcé de telles absurdités et je lui ai donné à entendre qu'il avait mal interprété ce que j'avais dit. Mais, en comparant ses notes avec celles de ses camarades, j'ai vu qu'il avait raison et que j'avais réellement fait les assertions les plus invraisemblables. Bien entendu, j'expliquerai la chose en alléguant une distraction momentanée, mais j'ai lieu de croire, hélas, que l'incident se renouvellera. Heureusement, il n'y a plus qu'un mois à passer à présent pour être à la fin de la session. Il faut espérer que je pourrai résister jusqu'à ce moment-là. 26 avril. Il y a 10 jours que je n'ai eu le courage de rien écrire sur mon journal. À quoi bon prendre en note l'humiliation et l'avilissement dont je suis victime ? Je m'étais juré de ne jamais le rouvrir, et pourtant telle est la force de l'habitude que je me remets instinctivement aujourd'hui à consigner ici la suite de mes atroces péripéties, comme on voit des suicidés prendre note des effets du poison qui les tue. Eh bien, la catastrophe que je prévoyais s'est produite, et cela pas plus tard qu'hier. Les autorités universitaires m'ont retiré mon cours. On a agi vis-à-vis de moi avec une extrême délicatesse, comme s'il s'agissait d'une mesure temporaire pour me permettre de me reposer du surmenage que j'ai subi et me donner tout loisir pour me soigner. Il n'en reste pas moins que c'est un fait accompli et que j'ai cessé d'être le professeur Gibroy. Le laboratoire reste encore sous ma surveillance jusqu'à présent, mais il est probable que ce n'est pas pour longtemps. Ma révocation est venue de ce que mon cours avait fini par être la risée de toute l'université. Ma classe était envahie par une cohue d'étudiants qui venaient exprès pour voir et entendre ce que l'excentrique professeur allait encore faire ou dire. Je ne peux pas entrer dans ces humiliants détails. Oh, cette femme diabolique ! Il n'y a pas de bouffonnerie ni de stupidité grotesque auxquelles elle ne m'est contraint. Je commençais mon cours en m'exprimant avec beaucoup de correction et de netteté, mais toujours avec l'appréhension de quelque lacune imminente. Puis, lorsque je sentais la néfaste influence s'emparer de moi, les mains crispées et la sueur au front, je luttais tant que je pouvais pour y résister, tandis que les étudiants, entendant mes paroles incohérentes et observant mes contorsions, se mettaient à rire à gorge déployée. Ensuite, une fois qu'elle était arrivée à me gouverner comme elle voulait, elle me faisait dire les choses les plus insensées, plaisanteries bêtes, allocutions bizarres, comme si j'avais été en train de porter un toast, bribes de balades et même, parfois, insultes personnelles contre tel ou tel membre de ma classe. Et puis, tout à coup, mon cerveau recouvrait sa lucidité perdue et à partir de ce moment, mon cours se continuait gravement jusqu'à la fin. Rien d'étonnant à ce que ma conduite soit devenue la fable du collège. Rien d'étonnant à ce que l'aéropage universitaire se soit vu dans l'obligation de couper court qu'officiellement à un tel scandale. Oh, cette femme diabolique ! Et le côté le plus effroyable de tout cela, c'est la solitude dans laquelle je me trouve. Qui soupçonnerait jamais que je suis la proie d'une obsession pareille? En me voyant assis comme je le suis en ce moment, dans une banale Bauwender anglaise, en train de regarder une non moins banale rue anglaise, avec ses omnibus bariolés et ses policemen indolents. Et pourtant, derrière moi, se dresse une ombre effroyable, en désaccord complet avec l'époque et le milieu où je vis. Au milieu même de cette maison de science, je suis terrassé, et terrassé par une puissance dont la science ne connaît rien. Aucun magistrat ne consentirait à m'entendre. Aucun journal n'entreprendrait de discuter mon cas. Aucun médecin n'ajouterait foi à mes déclarations. Mes amis les plus intimes ne verraient en ce qui m'arrive qu'un symptôme de dérangement cérébral. Je suis condamné à me tenir à l'écart de tous mes semblables. Oh, cette femme diabolique! Mais qu'elle se méfie! Elle va peut-être me pousser à bout tout à fait. Quand on ne peut pas se faire rendre justice par les autres, il arrive qu'on se la rend soi-même. Je l'ai rencontrée dans la grande rue hier soir, et elle m'a parlé. C'est peut-être tant mieux pour elle que notre rencontre n'ait pas eu lieu entre les haies d'une route de campagne déserte. Elle m'a demandé, avec son sourire glacial, si je me sentais pour suffisamment châtier ainsi. Je n'ai pas daigné lui répondre. « Il faudra que nous essayions de vous donner un nouveau tour de vis, » m'a-t-elle dit alors. « Prenez garde, madame, prenez garde !» Je l'ai déjà tenue à ma merci, une fois. Peut-être l'occasion s'en présentera-t-elle de nouveau. 28 avril. Ma révocation a eu également pour effet de lui ôter la possibilité de continuer à me tourmenter comme elle l'avait fait ces derniers temps. Il en résulte que je viens de jouir de deux bonnes journées de tranquillité. Après tout, il n'y a pas lieu de désespérer. Je reçois de toutes parts des témoignages de sympathie et tout le monde s'accorde à dire que c'est mon dévouement à la science et le caractère ardu de mes recherches qui ont ébranlé mon système nerveux. J'ai reçu un message fort aimable du conseil de l'université, m'engageant à voyager à l'étranger et manifestant le ferme espoir de me voir en état de reprendre mes fonctions dès le début du trimestre d'été. On ne saurait imaginer rien de plus flatteur que les allusions qui y sont faites à ma carrière et au service que j'ai rendu. Ce n'est que dans le malheur qu'on peut réellement apprécier la sympathie dont on jouit. Il se peut que cette créature se lasse de me tourmenter, et qu'alors tout finisse par bien tourner quand même. Dieu veuille qu'il en soit ainsi. 29 avril. Il vient de se produire une légère sensation dans notre petite ville endormie. Les faits divers y sont assez rares, en général. Il n'y s'y commet guère de crime plus terrible que celui d'un obtambule tapageur qui casse quelques carreaux, ou qui en vient aux mains avec un policeman. Mais cette nuit, cela a été plus grave. Des cambrioleurs ont essayé de s'introduire dans la succursale de la Banque d'Angleterre. Il n'en a pas fallu davantage pour mettre toute la population en émoi. Parkinson, le directeur, est un de mes amis intimes. Et je l'ai trouvé en proie à la plus vive émotion lorsque je suis allé le voir ce matin. Même si les voleurs avaient réussi à s'introduire dans la caisse, ce qu'ils n'ont d'ailleurs pas fait, il leur aurait fallu venir à bout des coffres-forts, de sorte que la défense était d'une force beaucoup plus considérable que ne le fut l'attaque. En somme, cette attaque ne semble pas avoir été bien formidable. Les châssis inférieurs de deux fenêtres du rez-de-chaussée portent simplement les marques d'une tentative d'effraction. Comme si l'on avait poussé en dedans un ciseau à froid ou quelque autre instrument analogue pour essayer de les soulever. Il y a un détail qui devrait tendre à faciliter beaucoup les recherches. C'est que les boiseries avaient été justement repeintes en vert la veille, et le ou les malfaiteurs se sont mis certainement de la peinture après les doigts et après leurs vêtements. 4h30 de l'après-midi. Ah, la maudite femme! La maudite femme! N'importe, elle ne me vaincra pas. Non, elle ne me vaincra pas. Mais quelle diablesse! Elle m'a déjà enlevé ma place. Maintenant, elle voudrait me déshonorer. Ne puis-je donc rien contre elle? Rien, sauf... Mais, si harcelée que je sois, je ne puis me résoudre à une chose pareille. Il y a environ une heure, j'étais entrée dans ma chambre et je me brossais les cheveux devant la glace, lorsque soudain mes yeux furent frappés de quelque chose qui me donna une telle nausée et me causa un si profond saisissement que je m'assis sur le bord de mon lit et me mis à pleurer. Il y a bien des années que je n'avais versé de larmes, mais cette fois j'étais complètement anéantie, et je ne pouvais que sangloter. sangloter éperdument, en proie à une colère impuissante. Ce que j'avais vu était ceci. Mon veston d'intérieur, le paletot que j'enfile ordinairement après dîner, pendait à sa patère, et à la manche droite, depuis le poignet jusqu'au coude, était barbouillé en divers endroits d'une épaisse couche de peinture verte desséchée. Ainsi voilà donc ce qu'elle voulait dire quand elle m'a parlé de donner un nouveau tour de vis. Non content de m'avoir fait passer pour un crétin aux yeux de tout le monde, elle voudrait maintenant qu'on me prie pour un criminel. Elle a manqué son coup aujourd'hui, c'est fort bien, mais la prochaine fois, je n'ose y songer. Et Agatha, et ma pauvre vieille mère? Oui, c'est bien cela son nouveau tour de vis, et c'est cela aussi qu'elle entendait sans doute quand elle m'a dit que je ne me rendais pas compte de l'ascendant qu'elle a pris sur moi. Je viens de relire le récit que j'ai fait de la conversation que j'ai eue un jour avec elle lorsqu'elle m'a déclaré que, si elle exerçait sa volonté d'une façon légère, son sujet se rendait compte de ce qu'il faisait, et que si, au contraire, elle l'exerçait avec plus de force, il n'avait plus conscience de ses actes. Cette nuit, ça a été mon cas. J'aurais juré que j'avais dormi profondément dans mon lit, sans que mon sommeil eût même été troublé par le moindre rêve. Et pourtant, ces taches de peinture m'indiquent que je me suis habillée, que je suis sortie, que j'ai essayé de fracturer les fenêtres de la banque, et que je suis rentrée. Ai-je été vue? Se peut-il que quelqu'un m'ait pris sur le fait et suivi jusque chez moi? Ah, quel enfer ma vie est devenue! Je ne connais plus ni tranquillité ni repos. Mais il va falloir que cela finisse d'une manière ou de l'autre. Je ne pourrai pas endurer ce supplice beaucoup plus longtemps maintenant. 10 heures du soir, j'ai nettoyé mon veston avec de la térébenthine. Je ne pense pas que personne ait pu me voir. C'est avec mon tournevis que j'ai fait ces marques aux fenêtres. Je l'ai retrouvé tout barbouillé de peinture et je l'ai nettoyé. J'ai une telle migraine qu'on dirait que ma tête va éclater. Aussi, j'ai pris 5 cachets d'antipyrine. Si la pensée d'Agatha ne m'avait retenu, j'en aurais pris 50 pour en finir une fois pour toutes. 3 mai. 3 jours de tranquillité. Cette créature infernale est comme un chat qui joue avec une souris. Elle ne me lâche que pour bondir sur moi de nouveau. Je n'ai jamais si peur d'elle que quand elle me laisse complètement tranquille. Mon état physique est déplorable. Hoquets ininterrompus. Ptosis de la paupière gauche. J'ai reçu une lettre des Mardennes m'annonçant qu'elles seront de retour après-demain. Je ne sais si je dois m'en réjouir ou m'en affliger. Tant qu'elles étaient à Londres, elles étaient en sûreté. Une fois revenues ici, qui sait si elles ne seront pas attirées à leur tour dans ces misérables filets où je me débats moi-même. Et il faudra que je leur dise ce qu'il en est. Je ne pourrai pas me marier avec Agatha tant que je n'aurai conscience de n'être pas responsable de mes actes. Il faudra que je leur dise quand bien même cela devrait provoquer une rupture entre nous. C'est ce soir qu'a lieu le bal de l'université. Je ne peux pas faire autrement que d'y aller. Dieu sait que je n'ai jamais eu si peu le cœur à m'amuser. Mais je ne veux pas qu'on puisse dire que je ne suis plus en état de paraître en public. Au contraire, si l'on y remarque ma présence et que l'on me voit causer avec les doyens de l'université, cela aidera beaucoup à faire comprendre qu'il serait injuste de me retirer ma chaire. 11h30 du soir. Je suis allée au bal. Charles Sadler m'a accompagnée en allant, mais je suis repartie avant lui. Néanmoins, je vais attendre qu'il rentre pour me coucher, car vraiment, j'appréhende de m'endormir le soir à présent. C'est un garçon enjoué, et cela me calmera de bavarder un peu avec lui. Somme toute, cette soirée s'est passée d'une façon pleinement satisfaisante. J'ai parlé à tous ceux qui sont doués de quelque influence, et je crois avoir réussi à leur faire comprendre que ma chaire n'est pas encore tout à fait vacante. La malfaisante créature était au bal, elle aussi, incapable de danser, bien entendu, mais assise avec Madame Wilson. À maintes et maintes reprises, ses yeux se fixèrent sur moi, et ce furent encore ses yeux que mon regard rencontra en dernier lieu au moment où je me retirai. Une fois, m'étant assis de coin, je me pris à l'observer sans en avoir l'air, et je m'aperçus que son attention était concentrée sur Sadler, qui, en ce moment, dansait avec la seconde des demoiselles Thurston. Si j'en juge par l'expression que sa physionomie avait alors, il vaut mieux pour lui qu'il ne soit pas sous sa domination comme moi. Il ne se doute pas à quel fléau il a échappé. Il me semble que j'entends son pas dans la rue. Je vais descendre au-devant de lui, s'il veut. 4 mai. Pourquoi me suis-je interrompu de cette façon hier soir? Je ne suis pas descendu du tout, comme je le disais, ou du moins, si je l'ai fait, je n'en ai aucune souvenance. Par contre, je ne me rappelle pas non plus d'avoir été me coucher. J'ai une main très enflée ce matin, et pourtant je ne crois pas m'être blessé. À part cela, je constate que la soirée d'hier m'a fait du bien. Mais je ne puis pas comprendre comment il se fait que je n'ai pas été à la rencontre de Charles Sattler, alors que j'en avais l'intention bien arrêtée. Se pourrait-il donc ? Hélas, ce n'est que trop probable. M'a-t-elle fait commettre encore quelque insanité ? Je vais aller trouver Sattler pour savoir s'il sait ce qu'il en est. Midi. Ma situation est devenue absolument intenable. Ma vie ne vaut plus la peine d'être vécue. Mais s'il faut que je disparaisse, cette femme disparaîtra aussi, en même temps que moi. Je ne veux pas qu'elle me survive pour en conduire un autre à la folie comme elle m'y a conduit moi-même. Non, cette fois, je suis tout à fait poussée à bout. Elle est arrivée à faire de moi l'homme le plus désespéré et le plus dangereux qui existe. Dieu sait que je n'ai jamais fait de mal à une mouche, mais si je pouvais tenir cette femme entre mes mains, je jure qu'elle ne sortirait pas d'ici vivante. J'irai la voir aujourd'hui même et je lui ferai savoir à quoi elle doit s'attendre de moi. Ce matin, je suis descendue chez Sattler et à ma grande surprise, je l'ai trouvé au lit. En me voyant entrer, il s'est dressé sur son séant et a tourné vers moi une figure qui me fit peine. « Eh bien quoi donc, Sattler, que vous est-il arrivé ? » m'écriai-je. Mais je sentis mon cœur se glacer au moment même où je prononçais ces paroles. « Gibroy, me répondit-il en parlant avec difficulté, tant il avait les lèvres enflées. « J'avais depuis plusieurs semaines déjà l'impression que vous étiez fou. Maintenant j'en suis sûr, et je sais même que vous êtes un fou dangereux. N'était que je ne veux pas provoquer un scandale, vous seriez déjà entre les mains de la justice. » « Vous voulez dire ? » commençai-je. « Je veux dire que hier soir, quand j'ai ouvert la porte, vous vous êtes jeté sur moi. Vous m'avez frappé des deux poings à la figure, renversé par terre, envoyé de furieux coups de pied dans les côtes et laissé presque évanoui sur le trottoir. Regardez votre main, elle vous donnera la preuve de ce que je vous dis. » En effet, elle était toute bouffie, surtout aux jointures, comme si elle avait subi quelque choc terrible. Que pouvais-je faire ? Bien qu'il m'eût taxé de folie, il me fallait bien lui avouer tout. Je m'assis auprès de son lit et me mis à lui raconter depuis le début tous les malheurs qui m'étaient arrivés. Je lui racontais ces choses en tremblant et avec des paroles fiévreuses qui auraient convaincu les plus sceptiques. « Et elle vous déteste comme elle me déteste !» m'écriai-je. « Hier soir, elle s'est vengée sur nous deux en même temps. Elle m'a vu quitter le bal et elle a dû vous voir partir également. Elle savait le temps qu'il vous faudrait pour rentrer chez vous. » Alors, elle n'a eu qu'à faire appel à sa volonté mauvaise. Ah, l'état de votre figure n'est rien en comparaison de celui où est mon âme. » Il fut visiblement frappé de mon récit. « Oui, oui, elle m'a guetté, en effet, lorsque je m'en suis allé, » murmura-t-il. « Elle est très capable d'avoir fait ce que vous dites. Mais est-il possible qu'elle vous ait réduit à une pareille extrémité ? Quelles sont vos intentions ?»« Mon intention est de mettre un terme à ce supplice. Et, » m'écriai-je, « je la préviendrai une bonne fois aujourd'hui, et si elle recommence, tant pis pour elle. »« Ne commettez pas de folie, » me dit-il. « De folie ? » m'exclamai-je. « La plus grande folie que je pourrais commettre serait de tarder seulement d'une heure à agir. » Et je m'élançai hors de la chambre. Me voici donc à la veille de ce qui pourra être le moment le plus critique de mon existence. Je vais faire immédiatement ce que j'ai dit. En attendant, j'ai obtenu un bon résultat aujourd'hui, car j'ai réussi à faire comprendre à un homme au moins ce qu'est réellement cette aventure monstrueuse dont je suis victime. Et dans le cas où les pires éventualités se produiraient, ce journal subsistera pour établir quelles furent les raisons qui m'ont fait agir. Dans la soirée, quand je me suis présenté chez Wilson, on m'a tout de suite introduit et je l'ai trouvé assis en compagnie de Mademoiselle Penelosa. Une demi-heure durant, il m'a fallu subir ses fastidieuses explications au sujet des recherches qu'il a récemment entreprises sur les corps spirites. Et pendant tout ce temps-là, cette femme et moi, nous nous sommes regardés en silence d'un bout de la pièce à l'autre. J'ai vu briller dans ses yeux une lueur de satisfaction sinistre, et elle a dû voir dans les miens une expression haineuse et menaçante. Je désespérais presque de pouvoir m'entretenir avec elle comme je le désirais, lorsqu'on vint appeler Wilson. Il nous laissa seuls ensemble pendant quelques minutes. « Eh bien, professeur Gibroy, mais n'est-ce pas plutôt monsieur Gibroy qu'il faudrait dire à présent » murmura-t-elle avec son sourire amer. « comment va votre ami, Monsieur Charles Sattler ?»« Misérable, lui criai-je, vous êtes arrivé au terme de vos maléfices, à présent. Écoutez bien ce que je vais vous dire. » Je m'approchai d'elle et la secouai rudement par l'épaule. « Aussi vrai qu'il y a un Dieu au ciel, je jure que, si vous recommencez à me tourmenter avec vos diableries, vous le paierez de votre vie. Quoi qu'il en résulte, je vous tuerai. Il m'est impossible de supporter cela plus longtemps. » « Nous n'avons pas encore tout à fait réglé nos comptes, » me dit-elle, avec une colère égale à la mienne. « Je suis capable d'aimer, mais je suis capable de haïr. Vous avez eu le choix entre les deux. Il vous a plu de mépriser mon amour. Il va vous falloir maintenant tâter de ma haine. Je vois que je serai obligée d'aller encore un peu plus loin pour vous amener à la soumission complète. Mais j'arriverai bientôt à vous mater. Mademoiselle Marden revient demain, si je ne me trompe. « En quoi cela vous regarde-t-il » m'exclamai-je. C'est une profanation que vous commettez en osant seulement penser à elle, si je vous croyais capable de lui faire du mal. » Je vis qu'elle avait peur, bien qu'elle s'efforçât de n'en rien laisser paraître. Elle devina les noirs desseins que j'avais en tête et recula en frissonnant. « Elle est heureuse d'avoir un champion tel que vous, » dit-elle, « qui pousse l'audace jusqu'à proférer des menaces contre une femme sans défense. Vraiment, il faut féliciter Mademoiselle Marden du protecteur qu'elle s'est choisi. » Ses paroles étaient amères, mais sa voix et son attitude l'étaient plus encore. « Trêve de discours, » interrompis-je. « Je suis venu ici pour vous dire, et cela de la façon la plus formelle, que la prochaine tentative que vous ferez contre moi sera la dernière. » Là-dessus, entendant le pas de Wilson dans l'escalier, je m'en allais. Oui, elle a beau se donner des airs méchants et sinistres, elle ne commence pas moins à s'apercevoir qu'elle a autant à redouter de moi que j'ai à redouter d'elle. Assassiner. C'est un bien vilain mot, mais on ne dit pas « assassiner un serpent » ni « assassiner un tigre ». Dorénavant, je lui conseille de bien se tenir. 5 mai. Je suis allée au-devant d'Agatha et de sa mère à la gare, à 11 heures. Elle était enjouée, heureuse et si belle. Et elle a été transportée de joie en me retrouvant. Qu'ai-je fait pour mériter un tel amour ? Je suis rentrée à la maison avec elle et nous avons déjeuné ensemble. Il me semble que tous mes soucis se sont envolés en un instant. Agatha m'a dit que j'étais pâle et que j'avais l'air mal partant et fatigué. La chère enfant attribue cela à ma solitude et aux soins superficiels de ma femme de charge. Je fais tous mes vœux pour qu'elle ignore à jamais la vérité. Puisse cette ombre funeste, s'il faut qu'elle subsiste, étaler sa noirceur en travers de ma vie à moi et laisser la sienne jouir librement du soleil. Je reviens un instant de chez elle, et je me sens tout autre. Je crois que du moment que je la sentirai près de moi, je serai capable d'affronter avec sérénité toutes les vicissitudes que la vie pourrait m'apporter. 5 heures du soir. Voyons, efforçons-nous d'être précis. Tâchons de reconstituer les faits tels qu'ils se sont passés. En ce moment, le souvenir que j'en ai est tout frais, et je pourrai les retracer d'une manière correcte. D'ailleurs, même si je ne l'écrivais pas, il est peu probable que je perdrai jamais le souvenir de ce qui est arrivé aujourd'hui. J'étais revenue de chez les Marden après déjeuner, et je venais de me mettre à couper quelques sections microscopiques dans mon microtome, lorsque, subitement, je perdis connaissance de cette façon brutale et désagréable qui est devenue ces temps derniers si habituelle. Lorsque je repris possession de mes sens, j'étais assis dans une petite pièce très différente de celle où j'étais en train de travailler. Cette pièce était d'un aspect confortable et gai, meublée de divans recouverts en perse et garnie de tentures de couleurs et ornée d'une foule de jolis petits bibelots accrochés au mur. Il y avait devant moi une petite pendule ornementale qui faisait entendre son tic-tac sonore et dont les aiguilles marquaient 3 heures et demie. Tout cela m'était on ne peut plus familier et pourtant je me pris à regarder pendant quelques instants autour de moi d'un air à moitié hébété, jusqu'au moment où mes regards se portèrent sur une photographie de moi posée sur le dessus du piano. Celle de Madame Marden lui faisait pendant de l'autre côté. Alors, naturellement, je me rappelais où je me trouvais. J'étais dans le boudoir d'Agatha. Mais comment y étais-je entré et qu'étais-je venu faire? J'éprouvais un affreux serrement de cœur. Étais-je venu là dans quelque but diabolique? Ce but avait-il été atteint déjà? Oui, sans doute. Autrement, comment expliquer que j'eusse repris conscience de mes actes? Oh, l'angoisse de cet horrible instant! Qu'avais-je fait? Dans mon désespoir, je me levai brusquement. Une petite bouteille tomba sur mes genoux. Elle ne s'était pas brisée. Je la ramassai et lus ce qui était écrit sur l'étiquette. Acide sulfurique. Comme j'enlevais le bouchon de verre, une fumée épaisse s'éleva lentement et une odeur âcre et suffocante se répandit dans la pièce. Je reconnus dans cette bouteille un flacon que j'avais chez moi pour faire des analyses chimiques. Mais pourquoi avais-je apporté un flacon de vitriol dans le boudoir d'Agatha? N'était-ce pas de ce liquide épais et nauséabond que se servent les femmes jalouses pour détruire la beauté de leur rivale? Haletant d'épouvante, j'élevai la fiole à la lumière. Dieu merci, elle était pleine encore. Il n'y avait pas de mal accompli jusqu'à présent. Mais si Agatha était entrée une minute plus tôt, n'était-il pas plus que certain que l'infernal parasite qui me ronge m'aurait forcé à lui jeter le contenu de cette bouteille au visage? Ah, quelle horreur! Et pourtant, oui, c'est bien ce qui se serait produit. Autrement, pourquoi l'aurais-je apporté? À l'idée de ce qui aurait pu être, mon courage, qui avait déjà été soumis à de si dures épreuves, m'abandonna complètement, et tout fiévreux, secoué d'un tremblement convulsif, je me laissai retomber sur un siège. Ce furent la voix d'Agatha et le bruit de sa robe qui me rappelèrent à la réalité. Je relevai la tête et je vis ses yeux bleus, pleins de tendresse, qui me regardaient avec commisération. « Il faut que nous vous emmenions faire un tour à la campagne, Austin, » me dit-elle. « Vous avez besoin de repos et de tranquillité. Vous avez l'air positivement malade. »« Oh, ce n'est rien, » protestai-je, en faisant un effort pour sourire. J'ai eu un moment de défaillance, voilà tout. Voyez, c'est déjà fini. Je regrette de vous avoir fait attendre ainsi. Mon pauvre ami, il y a bien une demi-heure au moins que vous êtes là. Mais figurez-vous que le pasteur était au salon, et comme je sais que vous ne tenez pas à le voir, j'ai jugé préférable de dire à Jane de vous faire entrer ici en attendant. J'ai cru qu'il ne s'en irait jamais. Tant mieux qu'il soit resté, m'écriai-je avec nervosité. Ah ça, mais qu'avez-vous donc, Austin ? Me demanda-t-elle, en me prenant le bras, tandis que je me levais en trébuchant. « Pourquoi donc êtes-vous si content que le pasteur soit resté? Et qu'est-ce que cette bouteille que vous avez dans la main ?»« Ce n'est rien, » répondis-je en la fourrant dans ma poche. « Mais il faut que je m'en aille, j'ai quelque chose d'important à faire. »« Comme vous avez l'air dur, Austin, je n'ai jamais vu votre figure ainsi. Vous êtes en colère ?»« Oui, je suis en colère. »« Pas contre moi, je pense ?» « Non, non, ma chérie, mais il est inutile que je vous explique. Vous ne comprendriez pas. Vous ne m'avez absolument pas dit pourquoi vous êtes venue. Je suis venue pour vous demander si vous m'aimeriez toujours, quoi que je fisse, ou quelle que fût l'ombre dont pourrait être couvert mon nom. Auriez-vous confiance en moi et croiriez-vous ce que je vous dirais, même si les apparences les plus noires semblaient être contre moi? Vous savez bien que oui, Austin. Oui, je le sais. Et ce que je ferai, c'est pour vous que je le ferai. J'y suis contraint. C'est le seul moyen d'en sortir, ma chérie. Je lui donnai un baiser et me sauvai en courant. Le temps des indécisions était passé. Tant que cette créature n'avait cherché qu'à porter atteinte à ma situation et à mon honneur, j'avais pu hésiter sur ce que je devais faire. Mais à présent, dès lors qu'Agatha, ma pauvre Agatha innocente, était en danger, mon devoir était tout tracé. Je n'avais pas d'armes sur moi. Mais cette pensée ne m'arrêta pas un seul instant. De quelle arme aurais-je besoin lorsque je sentais tous mes muscles vibrer sous la force de mon exaspération? Je pris ma course à travers les rues, tellement préoccupé par ce que j'allais faire, que je n'avais que vaguement conscience des figures de connaissances que je rencontrais, et que je fis à peine attention au professeur Wilson que je croisais, et qui, lui aussi, courait, mais dans la direction opposée. À bout de souffle, mais résolu, j'arrivai à la maison du professeur et secouai la sonnette. Une servante, blême, vint m'ouvrir, et en voyant ma mine farouche, elle pâlit encore davantage. « Conduisez-moi immédiatement auprès de mademoiselle Penelosa, » lui ordonnai-je. « Monsieur, » balbutia la fille, « mademoiselle Penelosa est morte cet après-midi à 3h30. » Fin de L'ensorceleuse d'Arthur Conan Doyle.